Mes amis, en ce moment, c'est plutôt étrange. J'ai une de mes amies à la maison avec ses deux enfants. Le soir, c'est moi qui dois les endormir en leur racontant des histoires. Ah, je sais. Vous vous dites, Helmut, il a changé. Helmut, il est plus le même. Il s'est tellement fait avoir par sa copine que c'est lui qui s'y colle pour les gosses le soir pendant que madame s'amuse. Eh bien, figurez-vous que si je m'occupe des petits, c'est parce que leur maman, elle ne peut pas. Eh oui, elle travaille. Elle est pute, la nuit. Donc, c'est moi qui rends service. Je raconte les histoires au mouflet, et quand je m'endors, eh bien, j'ai fait des rêves avec des héros d'histoire pour gamins. Hier soir, c'était bizarre. J'étais nu sous une cascade en train de prendre une douche, douche naturelle et fleurie. Mmh. J'étais entouré des petits oiseaux qui gazouillaient pendant que je m'aspergeais. Quand d'un seul coup, une espèce de petite tapette avec des cheveux longs blonds arrive sur un cadenasson. La la la la. Bonjour, messire. Ah! D'où Jésus vous est foutu une de ces trouilles? Vous êtes qui? Je suis le prince charmant. Ah ben, enchanté. Moi, c'est Helmut. Bonne idée, la douche sous la cascade. Je vais en prendre une avec vous. Eh ben, doucement, l'ami charmant. Qu'y a-t-il? Ah, c'est que je suis pas de la confrérie des amis de la braguette arrière, moi, hein. La prochaine fois, je viendrai avec messire Zouzou. Et là, mon ami, vous pourrez jouer dans la prairie à saute-moufion autant que vous voulez. Mais en attendant, c'est pas possible. Bon, très bien. Je vais donc aller me distraire chez la plus délicieuse des jeunes filles. Délicieuse jeune fille, tu dis? Absolument. J'en connais une qui habite à deux pas. Deux secondes, charmant. Je viens avec toi. On est où, là? Eh bien, écoute! Au pays de Candy, comme dans tous les pays... Oh, les merveilleux pays de mon ami Candy! Dis donc, mon charmant, tu serais pas limite noblesse pédophile, par hasard? Comment osez-vous? La belle Candy, elle est mignonne. La belle Candy, elle est mignonne? Mais elle a un peu 12 ans, quand même! Sachez, monsieur, que mes intentions sont pures. Oui, bah, pas moi! Allez, salut, charmant, je vais faire un tour, moi. Et c'est comme ça, mon Christophe, que j'ai quitté le prince et que j'ai été faire un tour au pays de Candy tout seul pour y avoir, pour voir s'il y avait quelque chose à choper. Eh bien, figurez-vous que je suis tombé sur la mère supérieure de l'orphelinat de la petite Candy. Bah, croyez-moi, dans mon rêve, on a fait des trucs, c'est pas dans les livres d'enfants. Bon, je vous laisse, je vais traîner à côté d'un couvent, moi. Ça m'a donné des idées, ce rêve, en plus. Faut que je me dépêche, faut que j'aille voir Daniel Morin ce soir. Eh oui, Derzen.